dans la Corrèze, près de Tulle, évidemment. Il y a un cadre pour être à l'aise, le chant d'eau naturellement. Une équipe de soignants présente là, nuit et jour, qui vous accueille gentiment et qui ne manque pas d'humour. Si vous n'avez pas le moral, venez chanter, danser dans une ambiance conviviale. On vous accueille avec gaieté, ici nous sommes tous contents. Soyez choyés, écoutez, nous ne perdons pas notre temps. Les journées en sont bien occupées. Hey, yeah. De tout, sortie cuisine et gymnastique, bien que l'on soit sur nos deux roues, toujours partant et dynamique. Nos chants doux, on manque de rien, pas de problème, pas de soucis. Le petit journal à portée de main, la bonne humeur et des amis. Nos chants doux, y a une boutique où on y trouve tout ce qu'il nous faut. Pas de calmants, de barbiturique, mais les bonbons et les gâteaux. Nos chants doux, il y fait chaud en hiver comme en été, quand on fait de la balnéo et qu'on se fait masser les pieds. Regardez-nous, on est bien moi seul ici, bien moi seul que devant le cantou, à attendre nos amis et vos familles. Regardez-nous, pas de contraintes ni de pression, quand on a un petit coup de mou, il y a toujours une solution. Et vous amis qui êtes chez vous, sachez que la vie vous sourit, il y a un endroit rien que pour nous, qui vous accueille et nous unit. Et vous amis qui êtes chez nous, il faut nous faire confiance, n'ayez pas peur du chant doux, c'est une nouvelle vie qui commence. Hey! Ça te va ou pas, Nico?